5 dB DJ Pau Frontiere Aliwa Ganga Foto Tutu Roba Amiu Amiu Willy Carlos Amiu Video ya Kobina T Amore Kobina T Amore Jean-François Ndenge. Hey, Amiou, Amiou, il a le visto près. Ouais. Allez temporiser. Vincent Gomez. Chuma, Alex. Chuma, Chuma. Ndenge le visto près. Allez temporiser. Chuma, Chuma. Confia lo visto pre Allez temporiser yeah. Ndenge lo visto pre yeah. Allez temporiser Amen de Bakayoko, l'ombre du peuple hein. Prends la photo Mouka Kingo Conseil comme mon cœur Sonne et selfie Écotité Écotité Chanel Chabani Écotité Milade Magali Akbepa Ala Nyam Nyama ya Yolo Nadege Dubié Nyama ya Paris Nyama ya Londres Dala Nyama Dala Nyama Dala Nyama Oye Dala Nyama Sois la photo Tourne Vis Tourne Vis Tourne Angèle Nukusa Vis Allez tourner Vis Allez tourner Vis Volcan Tu vois qu'il nous a position, Mama Baluga, Mama dirigée, Mama commandée. allez tourner. Fils. Tourner. Fils. Allez tourner, tourner. Fils. Allez tourner. Fils. Je adore son bout et bâti la mouina. Yeah. Allez tourner, tourner, tourner, tourner. Fils, maman. Tourner. Fils. Allez tourner. Fils. Tourner. Fils. Hugues Henri. Fils. Colonel. Yeah. C'est les dirigeants. Louis Blaise Londolet.